بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم المبادئ المفيدة في التوحيد والفقه والعقيدة. لفضل profitable dans le توحيد la jurisprudence et la aqida. Par notre humble cheikh يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. Traduit et commenté par Abu Taymiyyah Khalil al-Mutaniki حفظه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. طيب في درسنا اليوم سنخوض من الكتاب المبادئ المفيدة لشيخنا يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى ثلاث مسائل جديدة. Je reprends trois nouvelles questions toujours relatives à la aqida dans le chapitre de la croyance. وكل ما يمر منا من هذا الكتاب قد نجده في كتب أخرى منها ما هو مختصر ومنها ما هو مطول. De tout ce qu'on voit là actuellement là dans ce kutub là, dans ce livre là, est également trouvable avec plus de détails dans des livres plus longs rapportant la aqida, car nous l'avons dit, ce livre à la base a été fait surtout pour les petits qui mémorisent les adillah, et la compréhension suit avec plus tard quand il grandit. Donc nous n'allons pas à chaque fois donner tous les tafasils qu'on peut trouver dans les autres kutub, mais au fur et à mesure, quand la personne avance et évolue dans la science, hein, il aura l'occasion d'étudier d'autres livres plus grands, plus détaillés, et il retrouvera ces points-là avec les tafasils qui vont avec. Tout ce qui pourrait paraître comme contradictoire, comme redoute sur les gens des sectes, et ainsi de suite. Nous, nous avons dit, c'est un شرح وجيز. Mais la baisse أحيانا أن نعطي بعض الفوائد التي نجدها. Pas de mal de cependant de temps en temps de mettre des petites فوائد. طيب. فقال فإذا قيل لك ما جزاء المؤمنين وما جزاء الكافرين يوم القيامة. Donc il dit quelle est la récompense des croyants et celle des mécréants le jour de la résurrection. فقل جزاء المؤمنين الجنة في أعلى العليين في أعلى العليين والدليل قول الله تعالى جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه وجزاء الكافرين النار في أسفل سافلين والدليل قول الله تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. Donc il dit que la récompense des croyants, les mu'minin, wal janna, le paradis, au niveau le plus haut. Et la preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens où il dit ceux qui croient et font des bonnes actions, ceux-là sont les meilleurs de la création. Inna alladhina amanu wa amilu salihat, ulaika hum khayrul bariya. Donc il dit ceux qui croient et font de bonnes actions, ceux-là sont les meilleurs de la création. Leur récompense est auprès de leur Seigneur, les jardins d'Éden sous lesquels coulent des ruisseaux, où ils seront éternellement. Allah a été satisfait d'eux et ils ont été satisfaits de lui. Cela est pour quiconque a craint son Seigneur. Donc ce texte, ce verset clair et bien d'autres sont très nombreux, viennent démontrer que la récompense du mu'min, que tout ce qu'il y a dans ce bas monde, il rentrera, sa rétribution en sera le Jannah. Bifadlillahi wa rahmati, par la grâce d'Allah et sa miséricorde. Et la rétribution des mécréants, des kuffars, wa an-nar, wa li'adhu billah, c'est l'enfer, au niveau le plus bas. Et la preuve est la parole d'Allah dans le sens où il dit, et ceux qui ont mécru auront le feu de la Jahannam, où ils ne seront pas achevés afin qu'ils ne meurent pas. Il ne sera pas allégé de son châtiment, ainsi rétribuons-nous tous mécréants. Donc là on voit également que pour les kuffars, les mécréants, leur attribution sera le feu éternel. Et cela amène forcément ce bas monde à des attitudes, à adopter des comportements envers eux. Car une personne qui sera dans le châtiment éternel d'Allah, tu ne peux l'aimer. Tu ne peux l'aimer et tu ne peux t'allier à lui. Tu peux lui souhaiter que cela ne lui arrive pas en lui faisant da'wah. Mais quand elle est statique. Amma, le fait que tu l'aimes, que tu fasses preuve d'affection vers lui, ce genre de choses, cela n'est pas permis, car regarde le châtiment qui l'attend. ثم قال حفظه الله تعالى والدليل أن الجنة في أعلى عليين قال الله تعالى ولقد رأوا نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة مأوى. Il dit donc que la preuve que le paradis est dans le plus haut du haut, on dira comme cela, comme l'a traduit notre frère Ayoub, c'est la parole d'Allah dans le sens où il dit, il, c'est-à-dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'a bel et bien vu lors d'une autre descente, auprès du lotus de la fin, auprès de lui, le paradis. وقال والدليل أن النار في أسفل السافلين قول الله تعالى وبل حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه عز وجل اكتب كتاب عبدي في سجين في أرض سفلة أخرجه أحمد في مسند وهو حديث صحيح. Il dit et la rétribution et la preuve que l'enfer est dans le plus bas du bas, au niveau le plus inférieur, c'est le hadith rapporté par Al-Bara, radiallahu anhu, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, de ce qu'il rapporte de son Seigneur, c'est-à-dire dans un hadith Qudsi, écrivez le registre de mon serviteur dans Sidjin, dans la lettre, dans la terre la plus basse, rapporté par Ahmed dans le Musnad, et c'est un hadith authentique. Il faut savoir également une mas'ala qui en découle, c'est le fait que le Jannah et le Nar sont déjà créés. L'enfer et le paradis sont déjà présents actuellement. Car il y a eu un khilaf avec d'autres firaq, d'autres sectes qui, elles, nient le fait que le feu et l'enfer sont déjà créés. Ils disent qu'ils seront créés après Ba'd Yawm al-Qiyamah. Et plusieurs preuves sont venues démontrant que le feu et le Jannah sont déjà présents. Déjà pour l'une des preuves, à Adam a.s., où était-il ? Au Jannah. Bien qu'il y ait un khilaf entre les ulama, est-ce que c'est le Jannah de l'au-delà ou le Jannah, un Jannah sur terre ? Wal qawl as-sawab huwa anna abana Adam alayhi salam kana fil Jannah fi sama. Que Adam était au Jannah. Donc le Jannah existait déjà. Et deux preuves sont venues dans le Coran et dans la Sunna. Quand fi qawlillahi ta'ala, lorsqu'il parle de Jannah, u'iddat al-muttaqin, un paradis qui a été déjà préparé pour les pieux. Il utilisait un verbe au passé et pour affirmer que la chose a déjà été faite. Wa qala an nar subhanahu wa ta'ala uiddat al kafirin. Hein, en parlant du feu qui était préparé pour les mécréants également, déjà en place. Et d'autres ahadith comme dans les deux sahih selon Abu Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit "Ishtakat an-nar ila rabbiha fazina laha bi nisfain." Nisfu fi saif wa nisfu fi shita. Fawa ashadu ma tajidun min al-har wa ashad ma tajiduna min al-zamharir. Yani al-bard. Il dit que le feu c'est plus de son seigneur. Donc, car ses parties s'enchevêtraient, se manger les unes et les autres. Donc de là, Allah subhanahu wa ta'ala l'a divisé en deux. Une partie en été, une partie en hiver. Et la partie la plus froide que l'on trouve en hiver, c'est une partie justement de l'enfer. Et une partie la plus chaude que l'on trouve en été, c'est la partie du feu. Cela démontre également que le feu est déjà présent. Et également, chez les mêmes musulmans, selon Abu Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le sahaba était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le sahaba était un jour avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils entendirent le bruit d'une chose qui tombe. Une chose tombant comme au fond d'un puits. Une chose profonde. Et il leur dit, savez-vous, quel est ce bruit? Ils dirent, Allah et son messager sont plus savants. Ils disent, c'est une pierre qui a été lancée, dont la chute a duré 70 printemps, c'est-à-dire 70 années, et elle atteint le feu de l'enfer maintenant. Et son arrivée, c'est ce que vous venez d'entendre maintenant. Donc cela démontre quoi? Que le feu était déjà présent, également. Hein, que le feu était déjà présent. Et il y a plein de preuves. D'accord? Il y a plein de preuves qui sont venues pour affirmer que le feu et le Jannah sont déjà créés. Également, le hadith en Ramadan. Hein, il se dit à Ramadan, futihat abwab al-Jannah. Lorsque Ramadan vient, les portes du paradis s'ouvrent. Cela démontre que le paradis est déjà créé. Également. Naam. ثم قال ولا نشهد بالجنة أو النار إلا لمن شهد الله الدليل لقول الله تعالى ولا تكفوا ما ليس لك به علم. Donc il dit, nous ne témoignons pour personne au paradis ou en enfer que pour celui dont la preuve en témoigne. Et la preuve, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens où il dit « Et ne poursuis pas ce dont tu n'as pas de science. » D'accord ? Ce dont tu n'as aucune connaissance. Lakin, nous croyons très certainement que les sahaba, par exemple parmi les gens dont nous croyons l'entrée au Jannah, hormis les prophètes, bien sûr, bien entendu, les sahaba. Hein ? Nous croyons au mérite des sahaba, et qu'ils sont au paradis, et que certains ont été nommés parmi eux. Et d'autres non. Certains ont été nommés, comme le hadith des Ashara, les 10 promis au paradis, au Jannah, comme Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, et Omar, radiallahu anhu, et Othman, et Ali, radiallahu anhuma, et Saïd ibn Zayd, et également Talha, et Zubayr, et Ibn Auf, fil Jannah, wa Sa'd ibn Malik, fil Jannah, et Abu Ubaida, Nujarrah. Ceux-là sont tous venus dans un hadith ensemble. Cependant, ils ne sont pas les seuls. D'autres sahaba ont été promis à qui le Jannah était promis, comme Bilal, radiallahu anhu, ou Fatima, qu'elle sera la Sayyida des femmes du Jannah, et Al-Hassan ou Al-Hussein, également bien d'autres. Et cette femme noire, par exemple, qui avait des crises, hein, qui avait des crises et qui se découvrait également. Plein de hadiths sont venus pour désigner des sahaba individuellement, et d'autres en groupe, ainsi de suite. Et en dehors des sahaba, on ne peut attester qu'une personne soit parmi les gens du Jannah, hormis les Anbiya ou Rusul. Et également le contraire. On ne peut affirmer qu'une personne soit au feu, hormis ce qui a été stipulé par un dalil. Donc là, attention, une mas'ala. Dans les kutub de Aqida, on trouve souvent cette phrase-là. La nashadi ahadin bil Jannah wa nar ileman nassa alayhi ad-dalil. Après une personne dont un texte est venu stipuler. Cela concerne quoi? Les ulama ont expliqué ces paroles-là. Cela concerne Al-Qibla, les gens de l'islam. Les gens de l'islam. On ne peut affirmer qu'un musulman est au Jannah, ni qu'un musulman est au feu, si ce n'est avec une preuve. Quant au kafir, le kafir asli, alladhi uqimat alayhi hujjah, celui dont la risala est parvenue, lui, il est clair qu'il est au nar. On ne peut pas dire, tu n'as pas le droit de dire qu'il est au nar, et ainsi de suite. Cela a été affirmé par les textes que le kafir qui est mort, le kafir asli, ou le murtad, celui qui a apostasié, d'accord, dont l'apostasie a été clairement démontrée avec les preuves, que les ulama connaissent le had de la personne, et qui meurt là-dessus sans tawba, lui, il est au feu. Car c'est le choubouette qui est tombé chez certains frères, lorsque des fois ils disent, par exemple, ils voient d'un frère qui voit un yahoudi ou un nasrani, un juif ou un chrétien, dit lui c'est un kafir, c'est un mécréant. Certains disent non, c'est du takfir. On dit comment c'est du takfir? Donc on va dire c'est un muslim, il pourra dire non c'est pas un muslim. Donc c'est un quoi? Il n'y a pas de menzila, benzila, menzila ten chez nous. On n'est pas des mu'tazila. C'est ou t'es un mu'min ou t'es un kafir. Et on juge selon les apparences. Donc ce chrétien et ce juif, que sont-ils? S'ils ne sont pas, on ne peut pas dire que ce sont des koufars. Que sont-ils? Ce sont des koufars. Maintenant, est-ce qu'ils ont eu, ils commettent le hujja? Est-ce qu'ils ont eu l'argument qui leur a été établi? Individuellement, on ne sait pas, vraiment. Mais au moment, on sait que le message de l'islam est passé. Il est dans la télévision, il est connu. Le Coran, ce que vous appelez le Coran, est connu. Le prophète Mohammed s.a.w. qu'ils appellent Mahomet est connu. Tout cela est connu. D'accord? C'est des choses qui sont connues. C'est pas comme s'il était, je sais pas moi, dans la jungle, perdu, ou qui vit sur un radeau au milieu de l'océan, dans une contrée perdue, dans la forêt de Sibérie, je ne sais pas où. Là où il n'y a personne, pas de civilisation. Là-bas, c'est que le message de l'islam, dans le monde entier s'est propagé. Tu trouveras presque personne aujourd'hui qui ne connaît pas le mot islam, qui ne connaît pas le mot Allah, ni Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou le mot Coran. Le Coran, et ainsi de suite. Très peu de personnes ne le connaissent pas, ces mots-là. Et de là, des savants disent que cela peut suffire à mettre l'argument sur eux. D'accord? Pour que cela t'interpelle. Que cela t'interpelle à aller chercher. Qu'est-ce que cette religion? Qu'est-ce que l'islam? Qui est Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam? Et tu dois aller chercher. Mais celui qui a entendu et qui s'est détourné, qui n'a pas voulu savoir, lui, uqimat al-hujja alayhi. Car même, chez le musulman, minna waqid al-islam, parmi les annulatifs de l'islam, le fait qu'il se détourne, de ne pas apprendre la religion. Alors que dire d'un mécréant qui, lui, entend parler, qui ne va pas chercher de quoi il s'agit? D'accord ? Mais également, les ulama ont mis comme condition que le message soit bien passé. C'est-à-dire, ce ne soit pas un message qui t'ait fait fuir. Car des fois, des gens appellent l'islam, ils font fuir les gens, ils leur font peur de cette religion. Et cela peut être une cause qui font que les gens ne veulent pas se renseigner. D'accord ? Ils ne veulent pas se renseigner. Donc là, notre responsabilité à nous en tant que muslimounes, justement d'avoir le bon adab shal'i, lorsqu'on fait da'wah, même au kuffar, de leur montrer de la meilleure des façons. Hein ? De leur parler de bilati yahsan, de leur parler de la meilleure des façons. Bikad al-istita'atina. Hein ? Bil-hikma wal-lati yahsan. Qu'on les appelle avec sagesse et bonne exhortation. Mais sagesse, ça veut dire mettre la chose à sa place. Ne pas être que non plus mou et doux. Des fois, peut-être de la dureté, peut-être réclamée et peut-être désirée. Dans certains cas, avec les mu'anidines, les obstinés, les orgueilleux. Donc le « or », c'est que le kafir, quand on le voit, c'est un kafir. D'accord ? C'est un kafir. Maintenant, s'il meurt, est-ce qu'il est parmi les gens du feu ? Il se peut que c'est parmi les gens de la fitra. Les gens qui n'ont pas reçu le message. Ça c'est possible. Est-ce que nous, on le sait ? On ne sait pas. Mais nous, en ce bas monde, on se comporte avec lui comme un kafir. On n'enterre pas chez les muslimines. On ne le lave pas. On ne met pas de kefen. À la base, un kafir, comme l'Allah m'a dit, c'est un trou, on le met dedans. Et on l'enterre. Pourquoi ? Pour ne pas que son odeur puisse nuire aux gens. Et ainsi de suite. Sinon, les rites funéraires propres aux muslimines, il n'y a pas droit. Et ses enfants n'héritent pas de lui. Et tout comme ses enfants ou pères qui auraient été muslimines ne le font pas hériter. On se comporte avec lui comme un kafir dans ce bas monde. Maintenant, Yom al-Qiyamah, est-ce qu'il est parmi les gens du feu ? Si on sait qu'il n'a pas eu et que Matel Hujja, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir ça. Mais comme nous l'avons dit aujourd'hui à 7h, on sait que le message de l'islam, c'est grandement propagé. Grandement propagé, et que très peu de personnes ne l'ont pas entendu. Et cela peut suffire comme être Iqam Matel Hujja sur eux. Car s'ils arrivent à combattre l'islam, on voit les mauvais côtés, c'est qu'ils sont renseignés un minimum. Pour parler sur l'islam, pour parler de Mahomet, comme ils disent, dire que c'est un pédophile, un voleur, un brigand, un philosophe, je ne sais quoi, c'est qu'ils sont renseignés sur lui, un minimum, ils ont lu des choses. Donc pourquoi ont-ils regardé le mauvais côté, et pas le bon ? C'est qu'ils ont voulu justement s'allier à la religion volontairement. Donc eux, ceux-là, l'argument leur a été donné. Car ils ont cherché. Mais dans quel sens ? Dans le mauvais sens pour s'allier. Ils n'ont pas été équitables. Mais les koufars, d'accord, les mécréants, eux, c'est qu'ils sont au feu éternellement. Fanas'alallahu yuthabbitana wa yatawaffana l'islam. Voilà le tawhid, voilà la sunna. Ensuite, il dit, فإذا قيل لك كم عدد أدور فقل ثلاثة. Ensuite, il dit, combien y a-t-il de demeures, c'est-à-dire pour la vie de l'homme ? Dit 3. دار الدنيا الفانية والدليل قول الله تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. La vie, la demeure de la vie périssable d'ici-bas, la vie éphémère, celle de ce bas-monde, la vie mondaine. Et la preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce que la vie d'ici-bas si ce n'est une jouissance trompeuse ? Donc cette vie de ce bas-monde est la première demeure. Thumma dar al-barzakh. Wa dalilu qawlullahi ta'ala wa min wara'ihim barzakhun ila yawmin yub'athun. Donc il dit la demeure du barzakh, qui est la demeure intermédiaire. C'est-à-dire entre la vie mondaine et le jour de la résurrection. Et là, après, en cela, la parole d'Allah dans le sens où il dit, et derrière eux, une barrière, c'est-à-dire le balzar, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Et là, c'est tout ce qui est attrait à la vie dans la tombe. À la vie dans la tombe. Imma bil azab, ou imma bil ni'ma, kama sayati biznillah ta'ala fima ba. Thumma qal, ثالثا دار القرار والدليل قول الله تعالى مخبرا عن مؤمن آل فرعون يقوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. Donc il dit également la troisième, c'est la demeure du قرار. قرار c'est le lieu où on est instauré, où on reste, d'accord, c'est-à-dire la vie éternelle par la suite, où ce sera l'enfer ou le jannah, mais c'est une vie qui sera impérissable. Donc la preuve en cela Et la preuve, c'est la parole d'Allah dans le sens, citant un croyant de la famille de Pharaon, lorsqu'il leur parla et leur dit, dans le sens, ô mon peuple, cette vie d'ici-bas n'est qu'une jouissance temporaire, alors que l'au-delà, c'est cela la demeure de la stabilité, c'est-à-dire qorar, stabilité, l'éternité. Donc là, on voit qu'il y a trois vies pour l'insan ou al-jinni, soit sa vie mondaine. Et c'est celle-là dans laquelle il devra œuvrer pour pouvoir justement profiter des deux autres vies qui viendront par la suite. C'est la vie du test, la vie de passage, dans laquelle Allah éprouve ses serviteurs, Bishar al-Khayl al-Fitna, par le bien et par le mal, pour savoir qui parmi eux œuvrera de la meilleure des façons. Li'alama man ayyukum ahsanu amala. Pour savoir qui œuvrera de la meilleure des façons. Et de là, celui qui aura été croyant, muwahid, mustaqim, lahu dar al-qarar fil jannah, hatta fi al-barzakh. Celui qui aura été droit, muwahid, qui n'aura pas associé à Allah subhanahu wa ta'ala, qui aura été dans l'unicité jusqu'à sa mort, et qui aura été droit, celui-là aura droit à la vie éternelle dans le jannah. Et également, bi-iznillah, aux délices de la tombe, dans le barzakh. Celui qui aurait été également croyant, mais qui aurait été pervers, qui aurait commis beaucoup de désobéissance, ou qui aurait commis des innovations, ainsi de suite, et sous la menace du châtiment de la tombe. Et par la suite, c'était Mouahid, il rentrera au Jannah. Mais il se peut qu'il soit, par avant, châtié, pour expliquer ses fautes. Cela revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cependant, ses actes amènent à voir qu'il est sous la menace, celui-là. Sous une menace. Et le kafir, celui qui meurt, mushrik, kafir, lui, aura droit aux deux châtiments, celui de la tombe, et après, dans le qarar, finnar. Wallahu billah. Les deux châtiments, il aura. D'accord? Les deux châtiments, il aura. Donc, de l'anfaïda de l'imam Tahawi, ou plutôt, dans son charh, fait par Ibn Abi Izz, Al-Hanafi, dans son charh de Tahawiya, il dit quoi? Que le tout, le topo, c'est que, les demeures sont les trois. Celle de la dunya, celle du barzakh et celle du qarar. Allah, il a fait que la vie de cette dunya est basée sur quoi? Sur le corps. Et que l'âme suit cela. C'est-à-dire tout ce qu'on reçoit en ce bas monde, c'est le corps qui subit. Et que l'âme suit cela. Ensuite, dans le barzakh, la vie intermédiaire avant la résurrection et celle d'après la mort de ce bas monde, Allah fait que les règles sont agissent sur l'âme, d'accord, sur l'âme en premier, et que là c'est le corps qui suit. Là c'est l'âme qui subit et le corps qui suit, c'est-à-dire des choses qui sont subies par l'âme, mais non apparentes sur le corps. Comme cela veut dire, comme par exemple le châtiment de la tombe, on se délice. Si jamais tu vas déterrer un cadavre, tu ne verras pas cela. Seulement lui le subit par rapport à son âme. Et ensuite, il dit la troisième demeure, celle qui est la demeure du qarar, lui. C'est l'éternité, dans le Jannah ou dans le feu, et là c'est les deux qui subissent, l'âme et le corps. Au Jannah on a les délices corporels et de l'âme, et au feu, c'est les délices, les supplices corporels et de l'âme également. D'ailleurs, une douleur mutuelle. فَنَسْأَلَ اللَّهَ أَنْ يَحْفَظَنَا مِنْهَا. Et là, parmi les différences entre le mu'min et le kafir, c'est que le mu'min lui croit en cela. Cela fait partie de quoi? De la science du aïb. De la science de l'invisible. D'accord? Ilm al-aïb. Et ça, c'est parmi les distinctions qu'il y a entre le muslim et le kafir. Il y a beaucoup de distinctions entre les deux. Et cela est l'une d'entre elles. Que le mu'min croit aux choses de l'invisible. Tandis que le kafir n'y croit pas. Il n'y croit pas. Tu lui parles de djinn, il n'y croit pas. Tu lui parles du feu de l'enfer, beaucoup d'entre eux n'y croient pas. Tu leur parles de la tombe, ils n'y croient pas. Et cela touche à la aqida des musulmans. Cela peut le rendre mécréant ou le rendre innovateur. Cela fait partie des fondements de la religion. Thumma qala. Fa idha qila lak ma awwal manazil al-akhirah. S'il te dit, quelle est la première des demeures de l'au-delà? Faqul awwal manazil al-akhirati al-qabr. والدليل حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منازل الآخرة فمن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد وحديث حسن. Donc, s'il te dit quelle est la première des demeures de l'au-delà, dis, c'est la tombe. On dit al-qabr en arabe, la tombe. Et la preuve, c'est le hadith de Othman ibn Affan, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la tombe est la première des demeures de l'au-delà. S'il en est sauvé, épargné, alors ce qu'il y aura après sera plus facile encore. Et s'il n'en est pas épargné, lorsqu'il y aura après, sera encore plus dur. Apporté par Tirmidhi, ibn Majah ou Ahmed, et c'est un bon hadith. Donc après la vie de la dunya, qu'est-ce qu'on a? Al-Barzakh, celle de la tombe. D'accord? Celle de la tombe. Et de là vient, lorsqu'on rentre dans la tombe, vient Fitnat al-Qabr wa thumma ba'daha iman ni'mat al-Qabr ou azab al-Qabr. À ne pas confondre. La fitnat du Qabr, c'est la fitnat de la tombe. C'est-à-dire la question que les deux anges vont te poser. Man rabbuk, ma dinuk, wa man nabiyuk, wa man adarrajul allazi ursila ilaykum. Ça, c'est une chose à laquelle, à la base, personne n'échappe à part le shahid. Fitnat al-Qabr. Que tu seras interrogé. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et qui est cet homme qui vous a été envoyé? Hada yusama bi fitnat al-Qabr. Ou souhait al-Qabr. Et par la suite, celui qui passe ce test, comme on dirait, ces questions, qui répond bien, cela qui viendra par la suite pourra être plus dur ou plus facile. En fonction des cas. D'accord? Imma azab al-Qabr, hatta pour le mu'min. Même pour le croyant, il peut avoir azab al-Qabr. S'il a été désobéissant ou innovateur dans les choses, il peut subir le châtiment de la tombe si Allah le décide. Quant au pieux, droit, mustaqim, muwahid, hein, wa kana la khair, lui, par la grâce d'Allah, aura le délice de la tombe. Et ce châtiment de la tombe a été nié par des sectes comme parmi les Mu'tazila. Cependant, il y a des preuves à l'appui qui démontrent que dans la tombe, on peut être châtié. Minha, qu'on l'a ta'ala, an-naru yu'raduna alayha uduwan wa ashiya. Wa yawma takumu as-sa'a atqilu al-fil'aun ashad al-'adhab. Par exemple, il dit, Allah dans le sens, à propos des gens de Fil'aun, il dit, dans le feu, ils seront exposés matin et soir. Et lorsque l'heure viendra, c'est-à-dire, yawm al-qiyamah, alors faites rentrer Fil'aun au plus dur des châtiments. Donc regardez bien. Le feu, ils seront exposés matin et soir. C'est-à-dire avant que la résurrection ne se fasse. Donc, quand a lieu ce châtiment? Dans la tombe. Dans la tombe. Wa qala Allahu ta'ala, sanu'adhibuhum maratayn, thumma yuradduna ila 'adhabin 'azim. Et nous les châtirons deux fois. Puis, ils seront ramenés à un grand châtiment. Wa qala Qatada wa Muhammad ibn Ishaq, 'adhab ad-dunya, 'adhab fi ad-dunya wa 'adhab fi al-qabr. Et Qatada et Mohamed ibn Isaac, ils ont dit quoi? Il s'agit là du châtiment, du double châtiment, celui de cette dunya et celui qui est dans la tombe. Car des gens font prédominer leur raison sur les textes en ce qui touche aux choses de l'invisible. Ils se disent comment? On va déterrer un corps, on ne voit pas tout ce que vous dites. On ne le voit pas en train de se faire châtier rien. On dit Naham, Haza muta'alaq bi hayat al-ruh. Cela est lié par rapport à la vie des âmes et non pas à la vie corporelle comme nous l'avons dit. Tout comme une personne qui rêve. Les ulama disent bien, dans ton rêve, tu ressens des choses. Est-ce que cela se voit sur ton corps? Cela ne se voit pas sur ton corps. Et dans ton rêve, tu le ressens. Tu ressens de la peur. Tu peux ressentir de la douleur, ce genre de choses. Et pourtant, ton corps est inerte. Tu dors. Cela ne se voit pas. Ou à part une personne qui aurait un sommeil agité. Cela ne se voit pas. Donc, que dire du Qabr? Et là, l'imam Ibn Abi Izz, dans son charme Tahawiyya, il explique bien que la tombe, la vie du Balzar, c'est une chose qui est inévitable pour la personne, quand bien même son corps ne sera pas retrouvé. Quand bien même tu n'auras pas été enterré, que tu étais brûlé, calciné au point que tu sois que cendre, que tu étais noyé, que l'on ne trouve pas ton corps, que tu étais mangé par des bêtes sauvages, ainsi de suite. Quelle que soit la façon dont tu meurs, cela est inévitable, à la base. Hein? Hayat al-Barzakh, wa ma yusaba bil-Qabr, est inévitable. Donc cela ne conditionne pas non plus que ton corps soit retrouvé. Comme les koufars veulent le faire, par exemple, se prendre et se faire incinérer, puis jeter dans la mer ou je ne sais quoi. Cela ne servira à rien. Allah SWT te fera revivre et te remettra dans ta tombe et te fera subir ce que tu devras subir. Pas de différence. Et pas d'échappatoire. L'incinération ne sert à rien du tout. Même en islam, cela n'existe pas. En islam, cela n'est pas légiféré, n'existe pas. Toyeb. Donc là, cela vient par rapport à ce qui, au point qui viendra par la suite. Donc s'il t'est demandé, que crois-tu au sujet du châtiment de la tombe et de son délice? Fakul a'taqid annahu haqqun liman kana lahu ahlan. Wa dalilu hadith Aisha radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi an 'adhab al-qabr. Faqala 'adhab al-qabr haqq muttafaqun alayhi wa dhalalahu al-Bukhari. Donc si on te dit, que crois-tu au sujet du châtiment de la tombe et de son délice? Dis, je crois avec certitude, dans le sens, que c'est la vérité pour celui qui le mérite. Et que la preuve est dans le hadith de Aïcha, radhiallahu anha, lorsqu'elle interrogeait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au sujet du châtiment de la tombe. Et qu'il dit, le châtiment de la tombe est vrai et véridique. Rapporté par le Bukhari muslim. Et là, l'énoncé vient de muslim. Wa anha, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, kan yata'awwadh min fitnat al-qabr, wa azab al-qabr, wa min fitnat al-masih dajjal, muttafaqun alayhi. Également d'après elle, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait protection contre l'épreuve de la tombe, et le châtiment de la tombe, et contre l'épreuve du Messie Dajjal, c'est-à-dire le faux Messie. Hein, muttafaqun alayhi. Comme on le dit dans le tashahoud à la fin. Hein? C'est un dua qu'on dit dans le tashahoud à la fin, et certains savants voient même qu'il est obligatoire de le dire. Ma wujud al-khilaf. وفيه إثبات عذاب القبر وفتنة القبر وفتنة الدجال الأكبر ومن الأدلة على نعيمه حديث البراء فيه وأما المؤمن فيقال ألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فقال فيأتيه من روحها وتيبها ويفسح له في قبره مد أو مد بصره أخرجه أحمد و... طيب أخرجه أحمد في المسند وهو حديث صحيح. Donc il dit également, et cela contient l'information du châtiment de la tombe, et de l'épreuve de la tombe, et de celle du faux messie, le Nasir Dajjal. Et parmi l'épreuve de son délice, le hadith al-Barra, qui dit, on dira aux croyants, quant aux croyants, on lui dira, habillez-le du paradis, et ouvrez-lui une porte sur le paradis. Alors, lui parviendra son parfum, et sa brise, on lui étendra sa tombe jusqu'à portée de vue. Rapporté par Ahmed dans le Musnad et sa hadith authentique. Donc tout cela était lié à ce qui était cité auparavant par rapport au paradis, par rapport à Fouen, au châtiment de la tombe et à ses délices. Ce sont des choses qui sont affirmées par le Coran et la Sunna. Et que même le Aql accepte. D'accord? Que le Aql accepte, nous avons dit que cela est lié à la vie qui, elle, est basée sur celle de l'âme et non celle du corps. Et non celle du corps. Également, d'autres hadiths sont venus, comme le hadith de ces deux, pour que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a mis une feuille de palmier fraîche, afin de amoindrir de leur châtiment, comme il l'a dit. Et cette chose-là, le fait de mettre une feuille de palmier, ou une chose, pour amoindrir du châtiment de la tombe de quelqu'un, cela, parmi les spécificités du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On n'a pas à le faire à nous. Cela est une innovation. Car seul lui pouvait savoir ce qui se passait, que ces deux personnes-là méritaient d'avoir un châtiment amoindri. Nous, on ne le sait pas. Et que les Sahaba ne l'ont pas fait après lui. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? فَإِنَّهُمَا يُعَذَّبَانَ وَمَا يُعَذِّبَانَ فِي كَبِيرٍ. Car ces deux-là se font châtier, et ne sont pas châtiés pour grand-chose, à la base. Il y en a un des deux, مَا كَنَا سَتِيرُ مِنَ الْبَوْلِ. Il y en a un, quand il urinait, il ne se cachait pas. Deux versions. Soit, il urinait devant tout le monde, sans se cacher, ou une autre interprétation, lorsqu'il urinait, son urine revenait sur lui, et qu'il ne s'en lavait pas. Et l'autre, Kanaemshi bin Namima, le deuxième qui faisait de la calomnie. Donc pour ces deux causes-là, ils ont été châtiés dans la tombe. D'accord? Ils ont été châtiés dans la tombe. Et d'autres hadiths sont venus, d'autres adillahs sont venus pour démontrer que le Azab al-Qabr, Haqq, ou Naim al-Qabr, Haqq, les deux sont véridiques. Naam. Fa'il yom akhazna salaf masa'il. أخذنا مسألة ما جزاء المؤمن وما جزاء الكافرين يوم القيامة. Quelle est la rétribution des croyants et celle des kuffars يوم القيامة. On a dit que pour les mu'minin, c'est le Jannah, éternellement. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم منها من أهلها. والكافر يوم القيامة son rétribution, c'est le feu éternellement. والعياذ بالله. أخذنا مسألة كم عدد الدور. Combien de demeures. وكنا ثلاثة. الدنيا والبرزخ والقرار. وأخذنا مسألة ما أول منازل الآخرة. Quelle est la première des demeures dans l'au-delà. Nous avons dit أول demeure أول منزل الآخرة القبر. La première c'est le قبر, la tombe. ورابعا أيوة أخذنا أربع مسائل ولا ثلاث عفوا. On a pris quatre مسائل aujourd'hui et non pas trois. فإذا قيل لك ماذا تعتقد في عذاب القبر ونعيمه. Que qu'as-tu comme croyance dans le châtiment de la tombe, dans sa délice. وقلنا أنهما حق. Que tous les deux sont des choses vraies et véridiques. نعم. طيب. Donc on va se contenter de cela pour aujourd'hui. Une fois de plus, nous avançons petit à petit dans le livre. بفضل الله. ونسأل الله ينفعنا أن ينفعنا بما سمعنا وما قلنا ونقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك مع تحية دمام أفاف.com